suenan al viento, una voz a la lluvia plateada. Bonjour à toutes, voilà, donc on retourne avec l'émission avec Nicolas, donc cet après-midi jusqu'à 16h avec les émissions différentes avec bien sûr les chansons. Ciao, ciao. Voici donc qui s'appelle Gloria Nassau avec bien sûr les chansons souvenirs. Sino que hoy nos aleja, tal vez mañana nos unirá. ¿Qué es lo que brilla en tu mejilla? Si es lluvia o llanto en tu siento como una prueba de nuestro amor. ¡Ah, bambina! ¡Te quiero, bambina! ¡Vuelve! ¡Vuelve, bambina! ¡Vuelve! We'll be right back. sur le chemin. Elle vivait dans un de ces quartiers où tout le monde est riche à crever. Elle avait quitté ses parents pour suivre un garçon à Bohème qui savait si bien dire je t'aime que sang devenait bouleversant. Et lors de cœurs ensoleillés partir sans laisser d'adresse, en portant juste leur jeunesse et la douceur de leur péché. Une enfant de 16 ans, une enfant du printemps, couchée sur le chemin. Leur cœur n'avait pas de saison et ne voulait pas de prison. Tous deux vivaient toujours le jour, ne restant jamais à la même place. Leur cœur avait besoin d'espace pour contenir un tel amour. Son présent comme son futur, c'était cet amour magnifique qui la berçait comme d'un cantique et perdait ses yeux dans l'azur. Une enfant de 16 ans, une enfant du printemps, couchée sur le chemin. Mais son amour était trop grand pour l'âme d'une enfant. Elle ne vivait que par son cœur et son cœur se faisait un monde. Mais Dieu n'accepte pas les mondes dont il n'est pas le créateur. L'amour étant leur seul festin, il la quitta pour quelques miettes. Alors sa vie battit en retraite et puis l'enfant connut la fin. Une enfant de 16 ans, perd aux rives de l'oubli. Et s'ils veulent s'aimer, Jean Ferrat. Maman, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Dans une banlieue surpeuplée, on habite un meublé, elle et moi. La fenêtre n'a qu'un carreau qui donne sur l'entrepôt et les toits. On va pas à Saint-Paul-de-Vence, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen. Comme famille, on n'a qu'une marraine, quelque part en Lorraine, puis c'est loin. Mais maman, elle a 25 berges, et je crois bien que la Sainte Vierge des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux et ne sourit pas mieux, quoi qu'on dise. L'été, quand la ville sans sommeil, chez nous y a du soleil qui s'attarde. Je pose ma tête sur ses reins, je prends doucement sa main et je la garde. On se dit toutes les choses qui nous viennent, c'est beau comme du Verlaine. On dirait, on regarde tomber le jour et puis on fait l'amour en secret. Maman, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Arc-en-ciel, un amour de la femme. Part en vadrouille au bord d'un étang. Il attrape une grenouille qui dit en tremblant: laisse-moi m'en aller et je te promets de réaliser trois de tes souhaits. Fais un vœu, mon bonhomme, car je veux, mon bonhomme, si tu veux, mon bonhomme, te donner le bonheur. Fais un vœu, mon bonhomme, car je veux, mon bonhomme, si tu veux, mon bonhomme, te donner le bonheur. Pris par ce langage, il lui dit: je veux beaucoup d'or dans mes bagages, des habits soyeux. Mais au bout d'un mois, il revint la voir et lui demanda: donne-moi la gloire. Ce vœu-là, mon bonhomme, tu l'auras, mon bonhomme, mais cela, mon bonhomme, n'est pas le vrai bonheur. Fais un vœu, mon bonhomme, car je veux, mon bonhomme, si tu veux, mon bonhomme, te donner le bonheur. De tous les puissants sur terre, il devint le roi. Mais dans son cœur solitaire, il n'y avait plus de joie. Il revint un jour, triste et malheureux. Donne-moi l'amour, c'est mon dernier vœu. Ce vœu-là, mon bonhomme, tu l'auras, mon bonhomme, et cela, mon bonhomme, sera le vrai bonheur. Ce vœu-là, mon bonhomme, tu l'auras, mon bonhomme, et cela, mon bonhomme, sera le vrai bonheur. Poussant une plainte étrange, la grenouille alors devant lui soudain se change en fille aux cheveux d'or. La main dans la main, ils s'en sont allés, et sur leur chemin, les oiseaux sifflaient. Sois heureux, mon bonhomme, car ton vœu, mon bonhomme, pour toujours, mon bonhomme, t'a donné le bonheur. Bon, et puis juste après, Yves Montand. Toujours, mon bonhomme, t'a donné le bonheur. semaine en hiver, en automne. Dans le ciel de Paris, les cheminées d'usines ne fument que du gris. Mais le printemps qui s'amène une fleur sur l'oreille, au bras une jolie fille. Tournesol, c'est le nom de la fleur. Le surnom de la fille, elle n'a pas de grand nom, pas de nom de famille. Et danse au coin des rues, à Belleville, à Séville. Tournesol, tournesol, tournesol, valse des coins des rues. Et les beaux jours sont venus, la belle vie avec eux. Le génie de la Bastille fume une gitane bleue dans le ciel amoureux. Dans le ciel de Séville, dans le ciel de Belleville. Et même de n'importe où. Tournesol, tournesol, c'est le nom de la fleur. Le surnom de la fille, elle n'a pas de grand nom, pas de nom de famille. Et danse au coin des rues, à Belleville, à Séville. Tournesol, tournesol, tournesol, valse des coins des rues. Des rues à Belleville, à Séville. Tournesol, tournesol, tournesol, valse des coins des rues. Continuons les compagnons de la chanson. Le jour se lève, déjà le soleil chasse les rêves, enfants du sommeil. Place, on entend marcher tous ceux qui font leur marché. Les gens se pressent, coupant au comptoir. Les garçons versent un blanc café noir. Et dans sa chambre, Marie qui dormait ouvre les yeux étonnés. Oh,

joli roman, joli, joli printemps. Et puis, c'est la vie qu'on oublie, comme elle était jolie. Simplement le titre, mon ami Chantal Paris, et juste après du jazz. Je suis ton ami, quoi qu'il advienne, je serai là pour te parler. Merci de rester fidèle à Radio Arc-en-Ciel. We'll be right back. partir de 17h jusqu'à 19h, vous allez retrouver Francky avec l'émission After Talk. Puis demain, on sera mercredi à partir de 9h jusqu'à midi avec l'émission de Victor Portugal en festin. Et puis dans l'après-midi, à partir de 14h jusqu'à 16h, vous allez retrouver Gloria. Et puis donc pour le jeudi matin, toujours entre 9h jusqu'à midi avec Margiro pour l'émission Vase de Portillane. Et puis dans l'après-midi, entre 14h jusqu'à 16h30, et bien on va faire un tour avec le Tropical avec Chantal avec l'émission donc Grosse Tropical. Après lui, ça sera tout simplement Jacques Brel. Si je trouble les hommes, voici pourquoi. C'est qu'il y a plus d'une femme en moi. J'ai plus d'un truc pour qu'on me relute. Pour séduire un cœur et le capter, à ses goûts je commence par m'adapter. Je crois que pour l'amour, je suis hors concours. Quand je tombe sur un sentimental, je prends mon air le plus virginal, l'ami non-aide du midinette. Et lorsqu'il me demande si j'ai encore un petit bout de fleur d'oranger, je lui dis pour vous monsieur, j'en ai même deux. Julie, jolie. Je peux plus me passer de vos bécots. Kiki mélange pour ses amants le sel, le poivre et le piment. Julie, Julie, c'est Julie. Pour l'homme qui fait des chichis mondains, je mets comme une du sèche un face à main. Je l'appelle mon cher, mais c'est plus cher. Il faut qu'il m'envoie toutes les fois qu'il veut me baiser le bout des doigts. Une bonne œillette, une sans billets. Enfin, quand je rencontre un monsieur qui ne vibre qu'au baiser crapuleux, je prends mon air vache, la femme à page. Je lui dis t'es mon homme, t'es mon costaud. Je t'ai dans le sang, je t'ai dans la peau. J'ai le cœur à la déglingue, faites-moi du gringue. Julie, Julie, c'est moi Julie, Julie, Julie, je suis affranchie, vous êtes vraiment une femme très chic, as-tu du fric, dis donc l'amour me refile le poids, oh non mais des fois, avec respect, je vous aimerai, prends garde, je suis un vrai de vrai. Des hommes connaissent les goûts qui les mènent comme des doudous. Jolie, jolie, c'est jolie. Kiki, des hommes connaissent les goûts qui les mènent comme des doudous. Jolie, jolie, c'est jolie. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque

rappelleront le temps des cerises et guerre rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Le temps des cerises pendant le corail qu'on cueille en rêvant. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur. Qui chante le printemps. Vous offrir, mais il suffit pour vous chérir. Pour vous, c'est vraiment peu de choses. Un pauvre joujou, rien du tout. Je n'ai qu'un cœur à vous offrir, mais il suffit pour vous chérir. Entre vos mains, je le dépose. Ne le faites pas trop souffrir. Pour charmer, je n'ai ni richesse, ni joyaux, ni beaux bijoux d'or. Un sourire égayé de jeunesse, c'est là mon plus grand trésor. Mais que m'importe, pieds éphémères, il est d'autres bonheurs sur terre. J'ai pour fortune mon seul amour, mais il est à vous pour toujours. Je n'ai qu'un cœur à vous offrir, mais il suffit pour vous chérir. Pour vous, c'est vraiment peu de choses. Un pauvre joujou, rien du tout. Je n'ai qu'un cœur à vous offrir, mais il suffit pour vous chérir. Entre vos mains, je le dépose. Ne le faites pas trop souffrir. Thank you. cœur à vous offrir. Mais il voudrait tant vous chérir. Entre vos mains, je le dépose. Ne le faites pas trop souffrir. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Un rayon de soleil est tombé des nuages. Petit vent léger est passé sur la plage. Des enfants ont couru. Ils avaient les pieds nés et doucement. Les hirondelles au loin ont crié, elles reviennent. Et moi j'ai pris ta main bien serrée dans la mienne. Moi j'étais tout ému devant ta gorge nue. Doucement, le printemps est revenu. Ton regard a changé de l'amour qui t'éclaire. On vient de retrouver le grand jour, la lumière. Il fait doux, on est bien. Alors ne dis plus rien. J'aurais pu me montrer plus prévoyant, d'accord. J'aurais dû faire des stocks au bon moment, d'accord. Je n'ai plus rien du tout dans mes placards, d'accord. Je suis un pauvre type, un naïf, un chabat. Mais j'ai toujours de l'amour quand mon cœur je garde en cachette. Au marché rose, je l'achète. Ne dites rien ou bien on prendrait haut et court. Les mercantiles sont punis, mais tant pis, ma réserve est grande. Allons passer votre commande. J'ai toujours de l'amour, d'accord. Je n'ai plus que le Saint-Christophe de mon auto, d'accord. Si j'avais des pneus, j'irais à vélo, d'accord. Pour avoir des pneus, il faut du charbon, d'accord. Pour avoir du charbon, J'ai pas de jambon, mais j'ai toujours de l'amour. Quand mon cœur se garde en cachette, au marché rose je l'achète. Ne dites rien ou bien on me prendrait haut et court. En voulez-vous des mots fous, des baisers, des folles caresses? Je peux vous en livrer des caisses. J'ai toujours de l'amour. D'accord, il y en a qui gagnent en ce moment des millions. D'accord, et qui peuvent s'offrir des indigestions. D'accord, mais ce fric-là, ils l'auront pas toujours. D'accord, alors que moi, jusqu'à la fin de mes jours, j'aurai toujours tout l'amour. Quand mon cœur se garde en cachette, et comme je suis un type honnête, je ne gagne rien dessus. Alors n'hésitez plus, venez mesdames, venez voir l'occasion que je vous propose. Vous comprendrez que le marché rose vaut mieux que le marché. Bon, ça, sans doute entendre Jacques Pils, et voici une musette tout simplement du Basque. Mucho bonita je... Bye. pourrais me l'enlever. Il fallait vendre mon âme, je la vendrais pour lui. S'il aimait une autre femme, je m'en irais pour lui. Je la donnerai pour lui. Arc-en-ciel, un amour de la femme. Au cœur du monde, par la poudre et le canon, en comptant chaque seconde, car ce jour est le plus long. Sous le feu et la mitraille, des milliers se coucheront, et le soir de la bataille, se compteront. Le jour est long, le jour est long, et la peur est tout au long, et l'espoir est tout au fond, et les cris sont des millions. Nous irons vers la victoire par le sang des compagnons qui ont fait marcher l'histoire, en mourant pour le jour le plus long. Le jour est long, le jour est long, et la peur est tout au long, et l'espoir est tout au fond, et les cris sont des millions. Nous irons vers la victoire par le sang des compagnons qui ont fait marcher l'histoire, en mourant pour le jour le plus long. Nous irons vers la victoire par le sang des compagnons qui ont fait marcher l'histoire, en mourant. C'est pour le moment, voici donc les compagnons. Non, pas après, ça sera aussi Patrice et Mario avec le village brésilien. Dans le village brésilien, on se lève tard le matin, mais le soir jusqu'au petit jour, on danse au son des tambours. Un chant s'élève dans la nuit, une pauvre une qui reluit à la lueur d'un feu de bois. On s'aime, on chante et l'on boit, et dans la forêt endormie, tous les animaux passent bruit, sont réveillés et tout joyeux. Danse la samba de par deux, les filles cherchent leurs amants, et c'est dans un rythme obsédant que résonnent les tambourins. Dans le village brésilien, Pancho, au bord de la rivière, sur sa guitare joue une mélodie, puis briser les lumières. Il pense à sa belle qui est partie. Village, dans le soir lit, porte des lits joyeux. Allons, le pancho qui est volage, une autre belle est tombée amoureuse. Dans le village brésilien sont arrivés des musiciens sur la colline illuminée. Les villageois sont montés, et dans un rythme de samba, on se trémousse à petits pas. Les ombres courent sur le gazon, et s'allongent dans le ballon. Les guitares chantent dans le soir, et on s'embrasse dans le noir. Les pieds portent une chanson. Dans ta boîte à tous les garçons, quand le soleil va se lever, qu'on a bien bu et bien dansé, le plus petit à petit s'éteint. Dans le village brésilien, dans le village brésilien, dans le village brésilien. Baby, just cares for my baby.

Voilà donc, et puis le premier, c'est Fred Rabol. Thank you. toutes. Merci de rester fidèle à Radio Arc-en-Ciel. De 9h jusqu'à midi, vous allez retrouver avec Lorenzo. Et après, à partir de 16h jusqu'à 18h30 avec Manu, émission découverte. Puis pour le samedi, à partir de 9h jusqu'à midi, vous allez retrouver l'émission habituelle de Nicorésien avec Christine, suivi de midi à 14h avec Sylvain, avec Posa Musical. Et puis entre 14h30 jusqu'à 16h30 avec Carla. Et puis juste après, entre 17h jusqu'à 19h avec Moche Panonica, avec ils sont deux, Louis et Julien. Et puis donc pour le tout simplement dimanche, à partir de 10h30 jusqu'à 12h30 avec le téléphone sonne. Jérôme, Lionel et Katia. Nous voici donc que je laisse avec Frank Sinatra. Melancholy baby, cuddle up and don't be blue. All your fears are foolish fancies. Honey, I'm in love with you. Every cloud must have a silver line. Just wait until the sun shines through. Smile, my honey dear, while I kiss away each tear, or else I shall be melancholy too. Kiss away each tear, or else I shall be melancholy.

regards où des anges vagabondent. J'ai ton amour, j'ai tout ton amour. Et c'est pour moi tous les mots sont de joie. Que d'aventure j'aurais pu gagner un jour ne valent pas les lèvres qui murmurent l'aveu de confiance et d'amour. Quand chaque soir près de toi je m'endors, que ma misère semble légère quand je m'éveille au premier rayon d'or. Combien je bénis mon sort. J'étais de bras le plus beau collier du monde. J'ai ton doux où des anges vagabondent. J'ai ton amour, j'ai tout ton amour. Et c'est pourquoi tous les mots sont de joie dans ma mélodie pour toi. Radio. Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, c'est aussi ça. acheter le goût du bonheur et à financer le fond de leur cœur. Cette Colombo, plume blanche, est pour tous un signe de paix. Elle porte en elle l'espérance et nous ne l'oublierons jamais. Una paloma blanca, jolie comme un arc-en-ciel. Una paloma blanca qui tourne dans le soleil, nous a remporté le goût du bonheur et a fait lancer le fond de nos cœurs. We'll be right back. des alpages à quelques portées du ciel. Notre petit village aujourd'hui est en éveil. Les tables sont prêtes, on a percé les tonneaux. On entend les trompettes qui résonnent en écho. Le Tyrol est en fête, voilà les mariés. Tout le monde chante à tue-tête, ça sent si bon l'été. Le soleil sans nuages est un heureux présage. Ce joli mariage ne pourra s'oublier. Le Tyrol est en fête, on est tous invités. Le Tyrol est en fête, vive les mariés. Voici donc Lily Vincent, le titre tout simplement. Eh bien, on cherche l'étoile. Si tu tombes du haut de ton rêve, si l'amour en passant t'a fait mal, n'attends pas que la vie te relève. Cherche une étoile, si l'ami que tu croyais sincère a trahi ton plus bel idéal, garde-toi de lui jeter la pierre. Cherche une étoile, car au milieu des plus froides nuits, si lourd que puisse être ton cœur, pour toi seul, une étoile lui, ta chance et qui sait ton bonheur. Tu n'es pas un enfant solitaire, ni perdu dans un monde infernal. Tu possèdes la haute lumière, c'est ton étoile. Dans la nuit des plus grandes ivresse, riche ou pauvre, il n'est plus de rival. L'important c'est de croire sans cesse à son étoile. Voici donc Irène Hilda avec Quand il danse, et puis juste après on goûtera du passe-double. Quand tu danses, danses, danses avec moi, je sens mon cœur qui bat au rythme de tes pas. Quand tu danses, danses, danses avec moi, je sens la vie qui va. Et je pense, pense, pense que jamais, jamais tu ne devrais t'arrêter de danser. Alors danse, danse, danse avec moi, je t'en supplie, n'arrête pas. J'ai besoin ce soir de tout oublier. J'ai besoin de te regarder danser. La cadence dansante de tes pas me grise et je ne sens plus autre chose en moi qu'un immense, immense, immense feu de joie. Brûlant, mon corps du haut en bas, dans ma tête en feu, je sens peu à peu la folie qui m'envahit et me trouble les yeux. Un monde inconnu, perdu dans les nues, ça ravande de légende, un monde merveilleux, tes yeux. Quand tu danses, danses, danses avec moi, je sens mon cœur qui bat au rythme de tes pas. Quand tu danses, danses, danses avec moi, je sens la vie qui va. Et je pense, pense, pense que jamais, jamais tu ne devrais t'arrêter de danser. Alors danse, danse, danse avec moi, je t'en supplie, n'arrête pas. L'assemblée a dévoré le bon gras et l'alcool commence à faire du dégât. L'alcool, l'alcool coule à flot. Plein ruisseau et avec moi, je t'en supplie, n'arrête pas. Et tu danses, danses, danses avec moi, je t'en supplie, n'arrête pas. N'arrête pas. N'arrête pas. Arc-en-ciel, un amour de la femme. laisse avec Thomas, avec le petit cousin, et puis juste après elle, eh bien, ça sera Michel Arnaud. Je suis né dans une famille où il y avait déjà deux filles. On attendait un garçon, jugé de la déception. Mon père a rouspété sur tous les tons. Ma mère, pendant 8 jours, m'appela Gaston. Marie m'a regardé d'un air de défi. Lily aussi. Mais toi, toi mon gentil petit cousin, mais toi, t'as pris mes menottes dans tes mains. Mais toi, tu m'as dit que tu m'aimerais bien, mon petit cousin. Lorsque j'allais à l'école, je collectionnais l'école. Je pâlissais soir et matin devant mes verbes latins. Mon père s'écriait, c'est une bonne à rien. Ma mère disait, ma fille est un serin. Marie me faisait les cornes, Lulu, Itou. Mais toi, lorsqu'on m'envoyait dans le coin, c'est toi qui venais calmer mon chagrin. Car toi, tu te fichais pas mal du latin, mon petit cousin. Quand je suis arrivée à l'âge où l'on songe au mariage, on présenta un monsieur qui avait l'air très ennuyeux. Mon père déclara, c'est un homme très bien. Ma mère ajouta, il est pharmacien. Marie me dit, ça fera un bon mari. Lily aussi. Mais toi, toi seul, tu ne me disais rien. Mais toi, tu restais tout seul dans ton coin. Et moi, je suis allée te prendre par la main, mon petit cousin. Je t'ai traîné devant mon père, je t'ai traîné devant ma mère, je t'ai traîné devant Marie et devant Lily aussi. Mon père te toisa d'un air suffoqué, ma mère faillit mourir dans un hoquet. Marie s'écria, oh, c'est un paltoquet. Lily, ok. Mais moi, j'ai fait un pied de nez à Marie. Mais moi, j'ai dit zut, zut à Lily. Et toi, eh bien, je t'ai gardé pour la vie, mon petit cousin, mon petit mari. Angelo, j'ai tant de soucis que je ne me sens bien qu'ici et livré à vos mains expertes. Vous êtes mieux que mon coiffeur, vous êtes l'ami de mon cœur, de mes cheveux et de ma tête. Angelo, pas trop d'acajou, mon ami Jeanne est acajou, elle a l'air d'une créature. Vous me direz que cheveux clairs ou bien foncés, elle en a l'air. Et quand je dis elle en a l'air, enfin, comment c'est ma teinture. Oh, Angelo, quelle vie de soucis. Oh, Angelo, je crois que j'ai tort de parler ainsi de Jeanne. Elle est tout de même ma meilleure amie. N'est-ce pas, Angelo, mon cher Angelo, j'ai presque perdu 1 kilo en week-end chez les De La Salle. Ce sont de très charmantes gens et leur vaisselle est en argent, mais chez eux on mange que dalle. Pilar, me rend son tablier. C'est la 30e à s'en aller, mais où trouver des domestiques? Les Turcs peut-être, ou les Mongols, car vraiment j'en ai ras le bol. Il est tombé plus d'Espagnols chez moi qu'à la guerre civile. Il paraît que ça mange peu et que ça travaille beaucoup les Turcs. Bertrand me trompe effrontément. J'ai découvert qu'il est l'amant d'une starlette norvégienne. Quant à Maurice, mon mari, il fait la bombe à Tahiti. En tout bien, tout honneur, j'espère. Mon fils aîné, ce galopin, vient de rater son examen et faire un bébé à la bonne. Angelo, vous ne savez pas, mais si je saute comme moi, vous savez combien ici-bas il nous faut souffrir par les hommes. Oh, Angelo, quelle vie de soucis. Je vais être en retard à l'opéra. Je vais entendre la Callas ce soir. Oh, je déteste l'opéra, mais que voulez-vous? Les places sont si chères. On ne peut pas ne pas y aller. N'est-ce pas, Angelo? Fidèle, c'est Charles Trenet. Fidèle, fidèle. Je suis resté fidèle à des choses sans importance pour vous. Un soir d'été, le vol d'une hirondelle, un sourire d'enfant, un rendez-vous. Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle à des riens qui pour moi font un tout. Un vieux toutou, une boîte d'aquarelle, le port de la nouvelle au mois d'août. Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle à des lieux et des amis très doux. Un drôle d'Albert et sa sœur en dentelle, un Castillet tout neuf, un Caligou, une rue de Béziers, une tante Émilie, une maman partant pour Budapest. Ma vieille maison avec sa tonnellerie et près de la gendarmerie des Express. Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle au souvenir d'un soir à Montauban. Candide ardeur, nos cœurs, je me rappelle, j'étais donné si jeune sur un vieux banc. J'étais parti dans la nuit des vacances, plus léger qu'un elfe au petit jour. Mais à présent quand j'y pense, je pleure toujours mon premier amour. Fidèle, fidèle, pourquoi rester fidèle quand on chante et s'en va sans bagarrer? Quand on est seul debout sur la passerelle devant tel ou tel monde qui disparaît, quand on regarde tous les bateaux qui sombrent en portant les choses qu'on espérait, quand on sait bien que l'on n'est plus qu'une ombre, fidèle à d'autres qu'on n'a jamais. Quand on sait bien que l'on n'est plus qu'une ombre, fidèle à d'autres qu'on n'a jamais. Arc-en-ciel, un amour de la femme. se touche à sa fin, donc on va se retrouver la semaine prochaine. J'espère que vous avez passé une bonne après-midi. Donc, pour ma part, eh bien, je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes. Et puis, on se retrouve donc la semaine prochaine à partir de 13h30. Voilà, donc, eh bien, je vous dis bonsoir.